Le mercredi 15 février, ici Dominique Lelièvre et les informations. L'Université Laval renonce à l'argent des énergies fossiles. La direction s'est engagée ce matin à retirer ses investissements liés à l'industrie pétrolière et gazière pour favoriser désormais d'autres secteurs d'activité, dont les énergies vertes. L'Université Laval devient ici la première université québécoise à retirer ses billes de cette économie. Un comité de travail sera formé pour réfléchir aux moyens de procéder. Puis l'institution a également annoncé qu'elle était passée du 9e rang au 2e rang des meilleures universités en matière de développement durable, selon une accréditation internationale. À Québec, on n'en sait plus sur le spectacle qui sera donné le 26 février prochain à la mémoire des victimes de l'attentat contre la mosquée de Sainte-Foy. Le projet du créateur Olivier Dufour et du chanteur Byron Mikhaïlov va regrouper plus de 100 artistes de tous les horizons. Bruno Pelletier, Pascal Picard, Karim Ouellette, Mariem ou encore les Lost Fingers font partie de ceux qui vont se donner en prestation. Le concert sera gratuit, sera donné en soirée au Capitole qui pourra accueillir 1200 personnes. Le spectacle sera également retransmis en direct à la place d'Ioville. Le réseau de transport de la capitale a annoncé la mise en place de nouveaux écrans tactiles informatifs. 6 écrans ont déjà fait leur apparition dans différents lieux publics et à Bribus, notamment à la bibliothèque Gabriel Roy, au Brunet de Laurier-Québec ou encore aux Galeries de la capitale. La technologie permet aux usagers de s'informer sur les services du RTC, sur les prochains passages et d'autres informations comme la météo, et ce sans avoir recours à un téléphone intelligent. Les bornes offrent également la possibilité de planifier un itinéraire ou de connaître les perturbations sur le réseau. Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, a expliqué ce matin sa décision de démettre Michel Therrien de ses fonctions d'entraîneur-chef. Sans surprise, il a expliqué qu'un changement de cap était devenu nécessaire en raison de la performance de l'équipe. Il a révélé avoir considéré plusieurs remplaçants, mais finalement, il a jeté son dévolu sur Claude Julien, qu'il a qualifié de l'un des meilleurs entraîneurs de la Ligue nationale. Soleil. Pluie, neige, vent, tempête, météo. Un avis de poudrerie est en vigueur sur Québec. C'est qu'on attend de 5 à 10 cm de neige aujourd'hui et les vents soufflent à 30 km/h avec rafales à 50. Maximum de moins 4. La neige intermittente et la poudrerie se poursuit ce soir et cette nuit. Demain, jeudi, ce sera généralement nuageux avec un maximum de moins 3. Les températures se réchauffent. Vendredi, ce sera ensoleillé avec moins 1 et samedi, ce sera ensoleillé avec 0 degré. Présentement à Québec, il fait moins 7.